Chapitre 6 L'évasion. Au milieu de nos adieux, il se répandit autour de nous une odeur aliacée qui me prit à la gorge. C'était la femme de chambre de ces dames qui venait se recommander à leur générosité. Cette créature avait été plus incommode qu'utile, et depuis 2 jours on l'avait dispensée de tout service. Cependant, Madame Simon regretta de ne pouvoir rien faire pour elle, et me pria de conter au roi comment elle avait été dépouillée de son argent. Agistravos ne parut ni surpris ni scandalisé. Il haussa simplement les épaules et dit entre ses dents « Ce Périclès, mauvaise éducation, la ville, la cour, j'aurais dû m'attendre à cela. » Il ajouta tout haut « Priez ces dames de ne s'inquiéter de rien. C'est moi qui leur ai donné une servante, c'est à moi de la payer. Dites-leur que si elles ont besoin d'un peu d'argent pour retourner à la ville, ma bourse est à leur disposition. » Je les fais escorter jusqu'au bas de la montagne, quoiqu'elles ne courent aucun danger. Les gendarmes sont moins à craindre qu'on ne pense généralement. Elles trouveront un déjeuner, des chevaux et un guide au village de Castia. Tout est prévu et tout est payé. Pensez-vous qu'elles me fassent le plaisir de me donner la main en signe de réconciliation ? Madame Simon se fit un peu tirer l'oreille, mais sa fille tendit résolument sa main au vieux palicard. Elle lui dit en anglais avec une espièglerie assez plaisante. « C'est beaucoup d'honneur que vous nous faites, très intéressant monsieur, car en ce moment c'est nous qui sommes les Kleft, et vous qui êtes la victime. » Le roi répondit de confiance. « Merci, mademoiselle, vous avez trop de bonté. » La jolie main de Marie-Anne était hâlée comme une pièce de satin rosé qui serait restée en étalage pendant 3 mois d'été. Cependant, croyez bien que je ne me fis pas prier pour y appliquer mes lèvres. Je baisai ensuite le métacarpe austère de Madame Simon. « Bon courage, monsieur !» cria la vieille dame en s'éloignant. Marie-Anne ne dit rien, mais elle me lança un coup d'œil capable d'électriser une armée. De tels regards valent une proclamation. Lorsque le dernier homme de l'escorte eut disparu, Agistravos me prit à part et me dit « Eh bien, nous avons donc fait quelque maladresse ?»« Hélas, oui, nous n'avons pas été adroits. Cette rançon n'est pas payée. Le sera-t-elle ? Je le crois. Les Anglais ont l'air d'être au mieux avec vous. » « Soyez tranquille, sous 3 jours je serai loin du Parnasse. »« Allons, tant mieux, j'ai grand besoin d'argent, comme vous savez. Nos pertes de lundi vont grever notre budget. Il faut compléter le personnel et le matériel. »« Vous avez bonne grâce à vous plaindre. Vous venez d'encaisser 100 000 francs d'un coup. »« Non, 90. Le moine a déjà prélevé la dîme. »« Sur cette somme qui vous semble énorme, il n'y aura pas 20 000 francs pour moi. »« Nos frais sont considérables. » Nous avons de lourdes charges. Que serait-ce donc si l'assemblée des actionnaires se décidait à fonder un hôtel des Invalides, comme il en a été question? Il ne manquerait plus que de faire une pension aux veuves et aux orphelins du brigandage. Comme les fièvres et les coups de fusil nous enlèvent 30 hommes par an, vous voyez où cela nous conduirait. Nos frais seraient à peine couverts. J'y mettrais du mien, mon cher monsieur. Vous est-il jamais arrivé de perdre sur une affaire? Une seule fois. J'avais touché 50 000 francs pour le compte de la société. Un de mes secrétaires, que j'ai pendu depuis, s'enfuit en Thessalie avec la caisse. J'ai dû combler le déficit, je suis responsable. Ma part s'élevait à 7 000 francs. J'en ai donc perdu 43 000. Mais le drôle qui m'avait volé l'a payé cher. Je l'ai puni à la mode de Perse. Avant de le pendre, on lui arrachait toutes les dents l'une après l'autre, et on les lui a plantées à coups de marteau dans le crâne. Pour le bon exemple, vous entendez? Je ne suis pas méchant, mais je ne souffre pas qu'on me fasse du tort. Je me réjouis à l'idée que le palicard, qui n'était pas méchant, perdrait 80 000 francs sur la rançon de Madame Simon, et qu'il en recevrait la nouvelle lorsque mon crâne et mes dents ne seraient plus à sa portée. Il passa son bras sous le mien et me dit familièrement « Comment allez-vous faire pour tuer le temps jusqu'à votre départ? Ces dames vont vous manquer, et la maison vous paraîtra grande. » Voulez-vous jeter un coup d'œil sur les journaux d'Athènes? Le moine me les a apportés. Moi, je ne les lis presque jamais. Je sais au juste prix ce que valent les articles de journal, puisque je les paye. Voici la Gazette officielle, l'Espérance, le Palicard, la Caricature. Tout cela doit parler de nous, pauvres abonnés. Je vous laisse. Si vous trouvez quelque chose de curieux, vous me le conterez. L'Espérance, rédigée en français et destinée à jeter de la poudre aux yeux de l'Europe, avait consacré un long article à démentir les dernières nouvelles du brigandage. Elle plaisantait spirituellement les voyageurs naïfs qui voit un voleur dans tout paysan déguenillé, une bande armée dans chaque nuage de poussière, et qui demande grâce au premier buisson qui les arrête par la manche de leur habit. Cette feuille véridique vantait la sécurité des chemins, célébrait le désintéressement des indigènes, exaltait le calme et le recueillement qu'on est sûr de trouver sur toutes les montagnes du royaume. Le Palikar, rédigé sous l'inspiration de quelques amis d'Algistravos, contenait une biographie éloquente de son héros. Il racontait que ce Thésée des temps modernes, le seul homme de notre siècle qui n'eût jamais été vaincu, avait tenté une forte reconnaissance dans la direction des roches skironiennes. Trahi par la mollesse de ses compagnons, il s'était retiré avec des pertes insignifiantes. Mais saisi d'un profond dégoût pour une profession dégénérée, il renonçait désormais à l'exercice du brigandage et quittait le sol de la Grèce. Il s'expatriait en Europe, où sa fortune, glorieusement acquise, lui permettrait de vivre en prince. Et maintenant, ajoutait le Palikar, allez, venez courir dans la plaine et dans la montagne, banquiers et marchands, grecs, étrangers, voyageurs, vous n'avez plus rien à craindre. Le roi des montagnes a voulu, comme Charles Quint, abdiquer au plus haut de sa gloire et de sa puissance. On lisait dans la Gazette officielle. Dimanche, trois courants, à 5 heures du soir, la caisse militaire que l'on dirigeait sur Argos, avec une somme de 20 000 francs, a été attaquée par la bande d'Algistravos, connue sous le nom de roi des montagnes. Les brigands, au nombre de 300 ou 400, ont fondu sur l'escorte avec une fureur incroyable. Mais les deux premières compagnies du 2e bataillon et du 4e de ligne, sous le commandement du brave major Nicolaïdis, ont opposé une résistance héroïque. Les sauvages agresseurs ont été repoussés à coups de baïonnette, en laissant le champ de bataille couvert de morts. Algistravos est, dit-on, grièvement blessé. Nos pertes sont insignifiantes. Le même jour, à la même heure, les troupes de Sa Majesté remportaient une autre victoire à 10 lieues de distance. C'est vers le sommet du Parnès, à 4 stades de Castilla, que la 2e compagnie du 1er bataillon de gendarmerie a défait la bande d'Algistravos. Là encore, suivant le rapport du brave capitaine Périclès, le roi des montagnes aurait reçu un coup de feu. Malheureusement, ce succès a été payé cher. Les brigands, abrités par les rochers et les buissons, ont tué ou blessé grièvement 10 gendarmes. Un jeune officier de grande espérance, M. Spiro, élève sortant de l'école des Évelpides, a trouvé sur le champ de bataille une mort glorieuse. En présence de si grands malheurs, ce n'est pas une médiocre consolation de penser que là, comme partout, force est restée à la loi. Le journal La Caricature contenait une lithographie mal dessinée, où je reconnus cependant les portraits du capitaine Périclès et du roi des montagnes. Le filleul et le parrain se tenaient étroitement embrassés. Au bas de cette image, l'artiste avait écrit la légende suivante « Comme ils se battent !»« Il paraît, dis-je en moi-même, que je ne suis pas seul dans la confidence, et que le secret de Périclès ressemblera bientôt au secret de Polichinelle. » Je repliais les journaux, et en attendant le retour du roi, je méditais sur la position où Madame Simon m'avait laissé. Certes, il était glorieux de ne devoir ma liberté qu'à moi-même, et mieux valait sortir de prison par un trait de courage que par une ruse d'écolier. Je pouvais du jour au lendemain passer à l'état de héros de roman et devenir un objet d'admiration pour toutes les demoiselles de l'Europe. Nul doute que Marie-Anne ne se prit à m'adorer lorsqu'elle me reverrait sain et sauf après une évasion périlleuse. Cependant, le pied pouvait me manquer dans cette formidable glissade. Si je me cassais un bras ou une jambe, Marie-Anne verrait-elle de bon œil un héros boiteux ou manchot? De plus, il fallait m'attendre à être gardé nuit et jour. Mon plan, si ingénieux qu'il fût, ne pouvait s'exécuter qu'après la mort de mon gardien. Tuer un homme n'est pas une petite affaire, même pour un docteur. Cela n'est rien en parole, surtout lorsqu'on parle à la femme qu'on aime. Mais depuis le départ de Marie-Anne, je n'avais plus la tête à l'envers. Il me semblait moins facile de me procurer une arme et moins commode de m'en servir. Un coup de poignard est une opération chirurgicale qui doit donner la chair de poule à tout homme de bien. Qu'en dites-vous, monsieur ? Moi, je pensais que ma future belle-mère avait peut-être agi légèrement avec son gendre en espérance. Il ne lui coûtait pas beaucoup de m'envoyer 15 000 francs de rançon, quitte à les imputer ensuite sur la dot de Marie-Anne. 15 000 francs serait peu de chose pour moi le jour du mariage. C'était beaucoup dans l'état où je me trouvais. À la veille d'égorger un homme et de descendre quelques centaines de mètres par une échelle sans échelon. J'en vins à maudire Madame Simon aussi cordialement que la plupart des gendres maudissent leur belle-mère dans tous les pays civilisés. Comme j'avais des malédictions à revendre, j'en dirigeais aussi quelques-unes contre mon excellent ami John Harris, qui m'abandonnait à mon sort. Je me disais que s'il eût été à ma place et moi à la sienne, je ne l'aurais pas laissé 8 grands jours sans nouvelles. Passe encore pour Lobster, qui était trop jeune, pour Giacomo, qui n'était qu'une force inintelligente, et pour M. Mérinet, dont je connaissais l'égoïsme renforcé. On pardonne aisément une trahison aux égoïstes, parce qu'on a pris l'habitude de ne point compter sur eux. Mais Harris, qui avait exposé sa vie pour sauver une vieille négresse de Boston, est-ce que je ne valais pas une négresse? Je croyais, en bonne justice, en valoir au moins 2 ou 3. Hadji Stavros vint changer le cours de mes idées en m'offrant un moyen d'évasion plus simple et moins dangereux. Il n'y fallait que des jambes, et Dieu merci, c'est un bien dont je ne suis pas dépourvu. Le roi me surprit au moment où je bâillais comme le plus humble des animaux. « Vous vous ennuyez ?» me dit-il. « C'est la lecture. Je n'ai jamais pu ouvrir un livre sans danger pour mes mâchoires. Je vois avec plaisir que les docteurs n'y résistent pas mieux que moi. Mais pourquoi n'employez-vous pas mieux le temps qui vous reste ? Vous étiez venu ici pour cueillir les plantes de la montagne. Il ne paraît pas que votre boîte se soit remplie dans ces 8 jours. Voulez-vous que je vous envoie en promenade sous la surveillance de 2 hommes ? Je suis trop bon prince pour vous refuser cette petite faveur. Il faut que chacun fasse son métier en ce bas monde. À vous les herbages, à moi l'argent. Vous direz à ceux qui vous ont envoyé ici, voilà des herbes cueillies dans le royaume d'Hadji Stavros. Si vous en trouviez une qui fût belle et curieuse, et dont on n'eût jamais entendu parler dans votre pays, il faudra lui donner mon nom et l'appeler la reine des montagnes. Mais au fait, pensais-je, si j'étais à une lieue d'ici entre 2 brigands, il ne serait pas trop malaisé de les gagner de vitesse. Le danger doublerait mes forces, il n'en faut point douter. Celui qui court le mieux est celui qui a le plus grand intérêt à courir. Pourquoi le lièvre est-il le plus vif de tous les animaux? Parce qu'il est le plus menacé. J'acceptai l'offre du roi, et séance tenante, il plaça 2 gardes du corps auprès de ma personne. Il ne leur fit pas de recommandations minutieuses, il leur dit simplement « C'est un milord de 15 000 francs. Si vous le laissez perdre, il faudra le payer ou le remplacer. » Mes acolytes ne ressemblaient nullement à des invalides. Ils n'avaient ni blessure, ni contusion, ni avarie d'aucune sorte. Leurs jarrets étaient d'acier. Il ne fallait pas espérer que leurs pieds se trouveraient gênés dans leurs chaussures, car ils portaient des mocassins très amples, qui laissaient voir le talon. En les passant en revue, je signalai, non sans regret, 2 pistolets aussi longs que des fusils d'enfant. Cependant, je ne perdis pas courage. À force de fréquenter la mauvaise compagnie, le sifflement des balles m'était devenu familier. Je sanglai ma boîte sur mes épaules et je partis. « Bien du plaisir !» me cria le roi. « Adieu, sire !»« Non, pas s'il vous plaît, au revoir !» J'entraînai mes compagnons dans la direction d'Athènes. C'était autant de prix sur l'ennemi. Ils ne firent aucune résistance et me permirent d'aller où je voulais. Ces brigands, beaucoup mieux élevés que les 4 gendarmes de Périclès, laissaient à mes mouvements toute la latitude désirable. Je ne sentais point à chaque pas leurs coups de s'enfoncer dans mes flancs. Ils herborisaient de leur côté pour le repas du soir. Quant à moi, je paraissais très âpre à la besogne. J'arrachais à droite et à gauche des touffes de gazon qui n'en pouvaient aimer. Je feignais de choisir un brin d'herbe dans la masse et je le déposais précieusement au fond de ma boîte, en prenant garde de ne point me surcharger. C'était bien assez du fardeau que je portais. J'avais remarqué dans une course de chevaux qu'un admirable jockey s'était laissé battre parce qu'il portait une surcharge de 5 kilogrammes. Mon attention semblait attachée à la terre, mais vous pouvez croire qu'il n'en était rien. En semblable circonstance, on n'était plus botaniste. On est prisonnier. Pélisson ne se serait pas amusé aux araignées s'il avait eu seulement un clou pour scier ses barreaux. J'ai peut-être rencontré ce jour-là des plantes inédites qui auraient fait la fortune d'un naturaliste, mais je m'en souciais comme d'une giroflée jaune. Je suis sûr d'avoir passé auprès d'un admirable pied de Boriana variabilis. Il pesait 1/2 livre avec les racines. Je ne lui fis pas l'honneur d'un regard. Je ne voyais que 2 choses, Athènes à l'horizon et les brigands à mes côtés. J'épiais les yeux de mes coquins, dans l'espoir qu'une bonne distraction me délivrerait de leur surveillance. Mais qu'ils fussent sous ma main ou à 10 pas de ma personne, qu'ils fussent occupés à cueillir leur salade ou à regarder voler les vautours, ils avaient toujours au moins un œil braqué sur mes mouvements. L'idée me vint de leur créer une occupation sérieuse. nous étions dans un sentier assez droit, qui s'en allait évidemment vers Athènes. J'avisai à ma gauche une belle touffe de genêt que les soins de la Providence avaient fait croître au sommet d'un rocher. Je feignis d'en avoir envie comme d'un trésor. J'escaladai à 5 ou 6 reprises le talus escarpé qui la protégeait. Je fis tant qu'un de mes gardiens eut pitié de mon embarras. Il offrit de me faire la courte échelle. Ce n'était pas précisément mon compte. Il fallut bien accepter ses services. Mais en me hissant sur ses épaules, je le meurtris si outrageusement d'un coup de mes souliers ferrés qu'il hurla de douleur et me laissa tomber à terre. Son camarade, qui s'intéressait au succès de l'entreprise, lui dit « Attends, je vais monter à la place du Milord. Moi, je n'ai pas de clous à mes souliers. » Aussitôt dit que fait, il s'élance, saisit la plante par la tige, la secoue, l'ébranle, l'arrache et pousse un cri. Je courais déjà sans regarder en arrière. Leur stupéfaction me donna 10 bonnes secondes d'avance, mais ils ne perdirent pas de temps à s'accuser l'un l'autre, car bientôt j'entendis leurs pas qui me suivaient de loin. Je redoublai la vitesse. Le chemin était beau, égal, uni, fait pour moi. Nous descendions une pente rapide. J'allais éperdument, les bras collés au corps, sans sentir les pierres qui roulaient sur mes talons et sans regarder où je posais mes pieds. L'espace fuyait sous moi. Rochers et buissons semblaient courir en sens inverse aux deux côtés de la route. J'étais léger, j'étais rapide. Mon corps ne pesait rien. J'avais des ailes. Mais ce bruit de 4 pieds fatiguait mes oreilles. Tout à coup, il s'arrête. Je n'entends plus rien. Serait-il là de me poursuivre? Un petit nuage de poussière s'élève à 10 pas devant moi. Un peu plus loin, une tache blanche s'applique brusquement sur un rocher gris. 2 détonations retentissent en même temps. Les brigands venaient de décharger leurs pistolets. J'avais essuyé le feu de l'ennemi et je courais toujours. La poursuite recommence. J'entends 2 voix haletantes qui me crient « Arrête, arrête !» Je n'arrête pas. Je perds le chemin et je cours toujours sans savoir où je vais. Un fossé se présente, large comme une rivière, mais j'étais trop bien lancé pour mesurer les distances. Je saute, je suis sauvé. Mes bretelles cassent, je suis perdu. Vous riez? Je voudrais bien vous voir courir sans bretelles en tenant des 2 mains la ceinture de votre pantalon. 5 minutes après, monsieur, les brigands m'avaient rattrapé. Ils s'étaient cotisés pour me mettre des menottes au poignet, des entraves aux jambes, et ils me poussaient à grands coups de gaule vers le camp d'Agistravos. Le roi me reçut comme un banqueroutier qui lui aurait emporté 15 000 francs. « Monsieur, me dit-il, j'avais une autre idée de vous. Je pensais me connaître en homme. Votre physionomie m'a bien trompé. Je n'aurais jamais cru que vous fussiez capable de nous faire tort, surtout après la conduite que j'avais tenue envers vous. Ne vous étonnez pas si je prends désormais des mesures sévères. C'est vous qui m'y forcez. Vous serez interné dans votre chambre jusqu'à nouvel ordre. Un de mes officiers vous tiendra compagnie sous votre tente. Ceci n'est encore qu'une précaution. En cas de récidive, c'est à un châtiment qu'il faudrait vous attendre. Vasile, c'est toi que je commets à la garde de monsieur. » Vasile me salua avec sa politesse ordinaire. « Ah, misérable, pensai-je en moi-même, c'est toi qui jettes les petits-enfants dans le feu, c'est toi qui as pris la taille de Marie-Anne, c'est toi qui as voulu me poignarder le jour de l'ascension. Eh bien, j'aime mieux avoir affaire à toi qu'à un autre. » Je ne vous raconterai pas les 3 jours que je passais dans ma chambre en compagnie de Vasile. Le drôle m'a procuré là une dose d'ennui que je ne veux partager avec personne. Il ne me voulait aucun mal. Il avait même une certaine sympathie pour moi. Je crois que s'il m'eût fait prisonnier pour son propre compte, il m'aurait relâché sans rançon. Ma figure lui avait plu dès le premier coup d'œil. Je lui rappelais un frère cadet qu'il avait perdu en cour d'assises. Mais ces démonstrations d'amitié m'importunaient 100 fois plus que les plus mauvais traitements. Il n'attendait pas le lever du soleil pour me donner le bonjour. À la tombée de la nuit, il ne manquait jamais de me souhaiter des prospérités dont la liste était longue. Il me secouait au plus profond de mon repos pour s'informer si j'étais bien couvert. À table, il me servait comme un bon domestique. Au dessert, il me contait des histoires ou me priait de lui en apprendre. Et toujours la griffe en avant pour me serrer la main. J'opposais à son bon vouloir une résistance acharnée. Outre qu'il me semblait inutile de coucher un rôtisseur d'enfants sur la liste de mes amis, je n'étais nullement curieux de presser la main d'un homme dont j'avais décidé la mort. Ma conscience me permettait bien de le tuer. N'étais-je pas dans le cas de légitime défense? Mais je me serais fait scrupule de le tuer par trahison. et je devais au moins le mettre sur ses gardes par mon attitude hostile et menaçante. Tout en repoussant ses avances, en dédaignant ses politesses, en rebutant ses attentions, je guettais soigneusement l'occasion de m'échapper. Mais son amitié, plus vigilante que la haine, ne me perdait pas de vue un seul instant. Lorsque je me penchais sur la cascade pour graver dans ma mémoire les accidents du terrain, Vasile m'arrachait à ma contemplation avec une sollicitude maternelle. « Prends garde, disait-il en me tirant par les pieds. Si tu tombais par malheur, je me le reprocherais toute ma vie. » Lorsque la nuit j'essayais de me lever à la dérobée, il sautait hors de son lit en demandant si j'avais besoin de quelque chose. Jamais on n'avait vu un coquin plus éveillé. Il tournait autour de moi comme un écureuil en cage. Ce qui me désespérait par-dessus tout, c'était sa confiance en moi. Je témoignai un jour le désir d'examiner ses armes. Il me mit son poignard dans la main. C'était un poignard russe, en acier damasquiné de la fabrique de Toula. Je tirai la lame du fourreau, j'essayai la pointe sur mon doigt. Je la dirigeai sur sa poitrine en choisissant la place entre la quatrième et la cinquième côte. Il me dit en souriant, « N'appuie pas, tu me tuerais. » Certes, monsieur, en appuyant un peu, je lui aurais fait justice, mais quelque chose me retint le bras. Il est regrettable que les honnêtes gens aient tant de peine à tuer les assassins, qui en ont si peu à tuer les honnêtes gens. Je remis le poignard au fourreau. Vasile me tendit son pistolet, mais je refusai de le prendre, et je lui dis que ma curiosité était satisfaite. Il arma le chien, me fit voir l'amorce, appuya le canon sur sa tête et me dit « Voilà, tu n'aurais plus de gardien. » « Plus de gardien, et parbleu, c'est ce que je voulais. » Mais l'occasion était trop belle, et le traître me paralysait. Si je l'avais tué dans un pareil moment, je n'aurais pas pu soutenir son dernier regard. Mieux valait faire mon coup pendant la nuit. Par malheur, au lieu de cacher ses armes, il les déposait ostensiblement entre son lit et le mien. Je finis par trouver un moyen de fuir sans l'éveiller et sans l'égorger. Cette idée me vint le dimanche 11 mai à 6 heures. J'avais remarqué le jour de l'Ascension que Vasile aimait à boire et qu'il portait mal le vin. Je l'invitai à dîner avec moi. Ce témoignage d'amitié lui monta la tête. Le vin des gines fit le reste. Hadji Stravos, qui ne m'avait pas honoré d'une visite depuis que je n'avais plus son estime, se conduisit encore en hôte généreux. Ma table était mieux servie que la sienne. J'aurais pu boire une outre de vin et un tonneau de raki. Vasile, admis à prendre sa part de ses magnificences, commença le repas avec une humilité touchante. Il se tenait à 3 pieds de la table, comme un paysan invité chez son seigneur. Peu à peu, le vin rapprocha les distances. À 8 heures du soir, mon gardien m'expliquait son caractère. À 9 heures, il me racontait, en balbutiant, les aventures de sa jeunesse et une série d'exploits qui auraient fait dresser les cheveux d'un juge d'instruction. À 10 heures, il tomba dans la philanthropie. Ce cœur d'acier trempé fondait dans le raki, comme la perle de Cléopâtre dans le vinaigre. Il me jura qu'il s'était fait brigand par amour de l'humanité, qu'il voulait faire sa fortune en 10 ans, fonder un hôpital avec ses économies, et se retirer ensuite dans un couvent du mont Athos. Il promit de ne pas m'oublier dans ses prières. Je profitai de ses bonnes dispositions pour lui ingérer une énorme tasse de raki. J'aurais pu lui offrir de la poix enflammée. Il était trop mon ami pour rien refuser de moi. Bientôt, il perdit la voix. Sa tête pencha de droite à gauche et de gauche à droite, avec la régularité d'un balancier. Il me tendit la main, rencontra un restant de rôti, le serra cordialement, se laissa tomber à la renverse et s'endormit du sommeil des sphinx d'Égypte, que le canon français n'a pas éveillé. Je n'avais pas un instant à perdre. Les minutes étaient d'or. Je pris son pistolet que je lançai dans le ravin. Je saisis son poignard et j'allais l'expédier dans la même direction lorsque je réfléchis qu'il pouvait me servir à tailler des mottes de gazon. Ma grosse montre marquait 11 heures. J'éteignis les 2 foyers de bois résineux qui éclairaient notre table. La lumière pouvait attirer l'attention du roi. Il faisait beau. Pas plus de lune que sur la main, mais des étoiles en profusion. C'était bien la nuit qu'il me fallait. Le gazon, découpé par longues bandes, s'enlevait comme une pièce de drap. Mes matériaux furent prêts au bout d'une heure. Comme je les portais à la source, je donnai du pied contre Vasile. Il se souleva pesamment et me demanda par habitude si j'avais besoin de quelque chose. Je laissai choir mon fardeau, je m'assis auprès de l'ivrogne, et je le priai de boire encore un coup à ma santé. « Oui, dit-il, j'ai soif. » Je lui remplis pour la dernière fois la coupe de cuivre. Il en but moitié, répandit le reste sur son menton et sur son cou, essaya de se lever, retomba sur la face, étendit les bras en avant et ne bougea plus. Je courus à ma digue, et tout novice que j'étais, le ruisseau fut solidement barré en 45 minutes. Il était 1h moins un quart. Au bruit de la cascade succéda un silence profond. La peur me prit. Je réfléchis que le roi devait avoir le sommeil léger, comme tous les vieillards, et que ce silence inusité l'éveillerait probablement. Dans le tumulte d'idées qui me remplissait l'esprit, je me souvins d'une scène du barbier de Séville, où Bartolo s'éveille dès qu'il cesse d'entendre le piano. Je me glissai le long des arbres jusqu'à l'escalier, et je parcourus des yeux le cabinet d'Agistravos. Le roi reposait paisiblement aux côtés de son chibouji. Je me glissai jusqu'à 20 pas de son sapin, je tendis l'oreille, tout dormait. Je revins à ma digue à travers une flaque d'eau glacée qui montait déjà jusqu'à mes chevilles. Je me penchai sur l'abîme. Le flanc de la montagne miroitait imperceptiblement. On apercevait d'espace en espace quelques cavités où l'eau avait séjourné. J'en pris bonne note. C'était autant de places où je pouvais mettre le pied. Je retournai à ma tente, je pris ma boîte, qui était suspendue au-dessus de mon lit, et je l'attachai sur mes épaules. En passant par l'endroit où nous avions dîné, je ramassai le quart d'un pain et un morceau de viande, que l'eau n'avait pas encore mouillé. Je serrai ces provisions dans ma boîte pour mon déjeuner du lendemain. La digue tenait bon. La brise devait avoir séché ma route. Il était tout près de 2 heures. J'aurais voulu, en cas de mauvaise rencontre, emporter le poignard de Vasile. Mais il était sous l'eau, et je ne perdis pas mon temps à le chercher. J'ôtai mes souliers, et je les liai ensemble par les cordons, et je les pendis aux courroies de ma boîte. Enfin, après avoir songé à tout, jeté un dernier coup d'œil à mes travaux de terrassement, évoqué les souvenirs de la maison paternelle, et envoyé un baiser dans la direction d'Athènes et de Marie-Anne, j'allongeai une jambe par-dessus le parapet, je pris à 2 mains un arbuste qui pendait sur l'abîme, et je me mis en voyage à la garde de Dieu. C'était une rude besogne, plus rude que je ne l'avais supposé de là-haut. La roche mal essuyée me procurait une sensation de froid humide, comme le contact d'un serpent. J'avais mal jugé des distances, et les points d'appui étaient beaucoup plus rares que je ne l'espérais. 2 fois, je fis fausse route en inclinant sur la gauche. Il fallut revenir à travers des difficultés incroyables. L'espérance m'abandonna souvent, mais non la volonté. Le pied me manqua, je pris une ombre pour une saillie, et je tombai de 15 ou 20 pieds de haut, collant mes mains et tout mon corps au flanc de la montagne, sans trouver où me retenir. Une racine de figuier me rattrapa par la manche de mon paletot. Vous en voyez ici les marques. Un peu plus loin, un oiseau blotti dans un trou s'échappa si brusquement entre mes jambes que la peur me fit presque tomber à la renverse. Je marchais des pieds et des mains, surtout des mains. J'avais les bras rompus, et j'entendais trembler tous les tendons comme les cordes d'une harpe. Mes ongles étaient si cruellement endoloris que je ne les sentais plus. Peut-être aurais-je eu plus de force si j'avais pu mesurer le chemin qui me restait à faire. Mais quand j'essayais de retourner la tête en arrière, le vertige me prenait, et je me sentais aller à l'abandon. Pour soutenir mon courage, je m'exhortais moi-même. Je me parlais tout haut, entre mes dents serrées. Je me disais « Encore un pas pour mon père !» Encore un pas pour Marianne, encore un pas pour la confusion des brigands et la rage d'Agistravos. Enfin mes pieds posèrent sur une plateforme plus large. Il me sembla que le sol avait changé de couleur. Je pliai les jarrets, je m'assis. Je retournai timidement la tête. Je n'étais plus qu'à 10 pieds du ruisseau. J'avais gagné les rochers rouges. Une surface plane, percée de petits trous où l'eau séjournait encore, me permit de prendre haleine et de me reposer un peu. Je tirai ma montre, il n'était que 2h30. J'aurais cru, quant à moi, que mon voyage avait duré 3 nuits. Je me tâtai bras et jambes pour voir si j'étais au complet. Dans ces sortes d'expéditions, on sait ce qui part, on ne sait pas ce qui arrive. J'avais eu du bonheur. J'en étais quitte pour quelques contusions et 2 ou 3 écorchures. Le plus malade était mon paletot. Je levai les yeux en l'air, non pas encore pour remercier le ciel, mais pour m'assurer que rien ne bougeait dans mon ancien domicile. Je n'entendis que quelques gouttes d'eau qui filtraient à travers ma digue. Tout allait bien, mais derrière était assuré. Je savais où trouver Athènes. Adieu donc au roi des montagnes. J'allais sauter au fond du ravin quand une forme blanchâtre se dressa devant moi, et j'entendis le plus furieux aboiement qui ait jamais réveillé les échos à pareille heure. Hélas, monsieur, j'avais compté sans les chiens de mon hôte. Ces ennemis de l'homme rôdaient à toute heure autour du camp, et l'un d'eux m'avait flairé. Ce que j'éprouvais de fureur et de haine à sa rencontre est impossible à dire. On ne déteste pas à ce point un être déraisonnable. J'aurais mieux aimé me trouver face à face avec un loup, avec un tigre ou un ours blanc, noble bête qui m'aurait mangé sans rien dire, mais qui ne m'aurait pas dénoncé. Les animaux féroces vont à la chasse pour eux-mêmes, mais que penser de cet horrible chien qui m'allait dévorer bruyamment pour faire sa cour au vieil Agitravos? Je le criblai d'injures, je fis pleuvoir sur lui les noms les plus odieux. Mais j'avais beau faire, il parlait plus haut que moi. Je changeai de note, j'essayai l'effet des bonnes paroles, je l'interpellai doucement en grec, dans la langue de ses pères. Il ne savait qu'une réponse à tous mes propos, et sa réponse ébranlait la montagne. Je fis silence, c'était une idée. Il se tut. Je me couchai parmi les flaques d'eau, il s'étendit au pied du rocher en grognant entre ses dents. Je feignis de dormir, il dormit. Je me laissai glisser insensiblement vers le ruisseau. Il se leva d'un bond, et je n'eus que le temps de remonter sur mon piédestal. Mon chapeau resta entre les mains, ou plutôt entre les dents de l'ennemi. L'instant d'après, ce n'était plus rien qu'une pâte, une marmelade, une bouillie de chapeau. Pauvre chapeau, je le plaignais. Je me mettais à sa place. Si j'avais pu sortir d'affaire moyennant quelques morsures, je n'y aurais pas regardé de trop près. J'aurais fait la part du chien. Mais ces monstres-là ne se contentent pas de mordre les gens, ils les mangent. Je m'avisais sans doute qu'il avait faim, que si je trouvais de quoi le rassasier, il me mordrait probablement encore, mais il ne me mangerait plus. J'avais des provisions, j'en fis le sacrifice. Mon seul regret était de n'en avoir pas 100 fois plus. Je lui lançai la moitié de mon pain. Il l'engloutit comme un gouffre. Figurez-vous un caillou qui tombe dans un puits. Je regardai piteusement le peu qui me restait à lui offrir, quand je reconnus au fond de la boîte un paquet blanc qui me donna des idées. C'était une petite provision d'arsenic destinée à mes préparations zoologiques. Je m'en servais pour empailler des oiseaux. Mais aucune loi ne me défendait d'en glisser quelques grammes dans l'enveloppe du chien. Mon interlocuteur, mis en appétit, ne demandait qu'à poursuivre son repas. « Attends, lui dis-je, je vais te servir un plat de ma façon. » Le paquet contenait environ 35 grammes d'une jolie poudre blanche et brillante. J'en versai 5 ou 6 dans un petit réservoir d'eau claire, et je remis le reste dans ma poche. Je délayai soigneusement la part de l'animal. J'attendis que l'acide arsénieux fût bien dissous. Je plongeai dans la solution un morceau de pain qui but tout, comme une éponge. Le chien s'élança de bon appétit et avala sa mort en une bouchée. Mais pourquoi ne m'étais-je pas muni d'un peu de strychnine ou de quelque autre bon poison plus foudroyant que l'arsenic? Il était plus de 3 heures et les essais de mon invention se firent cruellement attendre. Vers la demie, le chien se mit à hurler de toutes ses forces. Je n'y gagnais pas beaucoup. Aboiement ou hurlement, cri de fureur ou cri d'angoisse allaient toujours au même but, c'est-à-dire aux oreilles d'Agistravos. Bientôt l'animal se tordit dans des convulsions horribles. Il écuma, il fut pris de nausées, il fit des efforts violents pour chasser le poison qui le dévorait. C'était un spectacle bien doux pour moi, et je goûtais savoureusement le plaisir des dieux. Mais la mort de l'ennemi pouvait seule me sauver, et la mort se faisait tirer l'oreille. J'espérais que, vaincu par la douleur, il finirait par me livrer passage. Mais il s'acharnait contre moi. Il me montrait sa gueule baveuse et sanguinolente, comme pour me reprocher mes présents et me dire qu'il ne mourrait pas sans vengeance. Je lui lançai mon mouchoir de poche. Il le déchira aussi vigoureusement que mon chapeau. Le ciel commençait à s'éclaircir, et je pressentais bien que j'avais commis un meurtre inutile. Une heure encore, et les brigands seraient sur mes bras. Je levai la tête vers cette chambre maudite, que j'avais quittée sans esprit de retour, et où la puissance d'un chien allait me faire rentrer. Une cataracte formidable me renversa la face contre terre. Des mottes de gazon, des cailloux, des fragments de rochers roulèrent autour de moi avec un torrent d'eau glaciale. La digue était rompue et le lac tout entier se vidait sur ma tête. Un tremblement me saisit. Chaque flot, en passant, emportait quelques degrés de ma chaleur animale, et mon sang devenait aussi froid que le sang d'un poisson. Je jette les yeux sur le chien. Il était toujours au pied de mon rocher, luttant contre la mort, contre le courant, contre tout, la gueule ouverte et les yeux braqués sur moi. Il fallait en finir. Je détachai ma boîte, je la pris par les deux sangles, et je frappai cette hideuse tête avec tant de fureur que l'ennemi me laissa le champ de bataille. Le torrent le prit en flanc, le roula deux ou trois fois sur lui-même et le porta je ne sais où. Je saute dans l'eau, j'en avais jusqu'à mi-corps. Je me cramponne au rocher de la rive, je sors du courant, j'aborde sur la rive, je me secoue et je crie « Hourra pour Marianne !» Quatre brigands sortent de terre et me prennent au collet en disant « Te voilà donc, assassin, venez tous, nous le tenons, le roi sera content, Vasile sera vengé !» Il paraît que sans le savoir, j'avais noyé mon ami Vasile.